comme un film qui défile deux images noires et blanches. Tes yeux qui me rendent heureux, une lampe sur ton visage, tes cheveux froids sauvages. Je rapprocherai tous les continents, je traverserai tous les océans pour te rencontrer, toi dont j'ai rêvé. Je marcherai même sur le Nil, je survolerai toutes les villes pour te rencontrer, toi dont j'ai rêvé. Je survolerai toutes les villes pour te rencontrer, yes, toi dont bon, j'ai rêvé. Mississippi, les grands océans, les grands continents, je te chercherai, je te ferai.